Silence, toi, à la main de la plus belle. Veux-tu m'aimer, dis à m'aimer qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, qu'as-tu fait? Quoi? De moi cruelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoute-le, oh ma ritournelle. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. C'est toi. Entre, assieds-toi. Bon, allez, je m'assois. La plus belle. Mate la plus belle, je mate. Veux-tu m'aimer? Veux-tu m'aimer? Non, je veux pas. Veux-tu m'aimer? Qu'on s'en va. Dis à mémé qu'on s'en va, oh dis-lui toi-même, oh, c'est pas mes orions. Ouais, c'est pas à moi à lui dire, ouais. À mémé qu'on s'en va. Ma querelle. Ta querelle, c'est toi qui cherches querelle. Moi j'ai jamais cherché. Au coutelas. Ah bah tu es fort, hein. Tu m'as retourné le quoi? Au coutelas, tu m'as retourné le. Attends, j'ai pas compris, répète un peu. Andrea, c'est toi. Entre, assieds-toi, oui, ça j'avais compris. Voilà maintenant, bon. Monte la poubelle, moi jamais. Non, je veux pas t'aider. Je veux pas t'aider à monter la poubelle. Qu'on sent, qu'est-ce qu'on sent? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on sent, quoi? Caca truffé? Oh ben non, non, non, non. Caca truffé dans ma truelle? Caca truffé dans ta truelle? Oh non, ben c'est sale, ça c'est pas propre. Oh, écoute-la toi-même, hein. Moi j'y touche pas. D'ailleurs, maintenant j'ai compris tout le truc, j'ai compris toute la chanson, je la chante avec toi. Allez. C'est toi, la matelas. Ah, matelas plus belle, monte la poubelle. Belle, belle, belle, belle veux-tu m'aimer. Belle veux-tu m'aimer. Le veux-tu m'aimer, dis. Veux-tu m'aimer, dis. Mais dis à m'aimer, mais. Mais dis à m'aimer, con. Dis à m'aimer qu'on s'en. Ah, dis mais qu'on s'en va. Dis mais qu'on s'en va. Ah non. Caca truffé encore. Oh non, non, c'est trop. Non, c'est pas bien là. Ça, c'est pas propre comme ça. Non, là, il y en a assez. Non. Elle est idiote d'ailleurs, ta chanson. Allez, maintenant, on arrête. Non, maintenant, il y en a assez. Marie, tournez le disque. Maintenant, il y en a assez. Maintenant, il y en a assez. Absolument assez. Assez! Assez!